je voudrais oublier nos vacances en Espagne où nous avons vécu un amour d'un été, mais je n'oublierai pas cette douce romance qui s'appelle, je crois, qui s'appelle, je crois, Prélude d'Albéniz. Lorsque nous étions là, en vacances en Espagne, où j'ai connu l'amour et l'espace d'un été, mais je garde pour moi cette douce romance qui s'appelle, je crois, qui s'appelle, je crois, Prélude d'Albéniz. Je n'irai plus jamais, jamais m'asseoir sur la falaise, la lune sur la mer dansera comme hier. La guitare sera là, mais pour d'autres caresses, et la nuit sourira pour d'autres amoureux. Je voudrais vacances en Espagne, mais je n'oublierai pas le prélude d'Albéniz.